Question 5. Pour dépasser ce cycliste, je prévois un mètre d'espace latéral au moins. Oui, réponse A. Non, réponse B. J'attends d'avoir croisé le véhicule blanc. Oui, réponse C. Non, réponse D.